riche ou dans la misère, soudé par la passion, quelles que soient les galères. Ici chacun est le gardien de son frère. Marchons levant la tête, tout sera plus clair. Demain sera nôtre, à nous de changer d'air. L'union est l'arme du prochain millénaire. La la merci, je prie pour le futur et pour des jours plus clairs, sachant que des ténèbres jaillira la lumière. Laisse-moi prêcher l'unité pour nos frères. Sur Skyrock. For handling broads, all I need is me a few seconds and more, and that's a wrap. Tell the lady bring my lap, and I ain't coming back, so you can put a car right there. I'm the truth, and I ain't got nothing to prove, and you can ask anybody, cause they seen me do it. Barricades, I run right through them, used to them. Throw all the dirt you want, no use. Still won't have a pen up in a fabulous room, bone her back, picking out a basket of fruit. I love you, bro. Yeah, freaking Petey, love you too. You know how I do. You're insinuating that I'm high, but these goodies, boy, are not. Just for stress, respect the play I'm calling. I bet you want the goodies, bet you got a body, bet you a hot and body, make us a talk about it. Looking for the goodies, keep on looking cause they stay in the jar. Skyrock Classics. Skyrock. Si c'était à refaire, qu'il y ait James de Miller. N'ayez nous, mais je t'enseigne briller. Y'a pas de couleur pour colorer. N'ayez nous, mais je t'enseigne briller. Je dis qu'il y a pas de couleur pour aimer. Qui venait de mèche, bon, on est goût. Où est le bel rythme? N'ayez rien, il n'y a pas de mal. Message d'amour même en temps de guerre. Alors que certains disent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir. Pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire. Pas une couleur pour pleurer, tu sais. Dans nos différences nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs et c'est ce qui importe. Y'a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Y'a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. J'suis pas une couleur qui t'immunise contre la douleur. Pas une couleur qui te rend supérieur, sache-le. Ma sœur, y'a pas de couleur pour pleurer. Toi mon frère, y'a pas de couleur pour aimer. Y'a pas de couleur pour pleurer. Y'a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borné. Pas une couleur attitrée à l'absurdité. Pas une couleur qui prouve ton intelligence. Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance. Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul, foudroyé, rescapé d'un amour manqué. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté. Pas une couleur qui garantisse qu'un honnêteté. Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère. Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Je connais les méfaits du racisme et ce qu'il provoque. Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc. Même en temps de guerre, alors que la paix agonise, je réanime l'amour dont l'absence m'épuise. Y'a pas de couleur pour pleurer. Pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Y'a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'y'a pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Skyrock. Si c'était à refaire, qu'il y avait James de Milan. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Skyrock Classics. Classics. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so. Come on. Mia. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Des 3000 à l'instant sur Skyrock Classic, c'était Outkast, Eya, et il y a des chèques de 1500 euros à choper. Ce sera toute la semaine prochaine entre 6h et 9h dans le morning de Difool, l'émission qu'il faut suivre, écouter tous les matins en se réveillant. On programme le réveil, on met Difool avec toute l'équipe en direct de l'appart et avec les chèques de 1500 euros qui tombent toutes les 30 minutes avec un mot qu'il faut envoyer par SMS pour envoyer pour augmenter très largement ses chances de gagner. C'est Skyrock que vous envoyez maintenant au 72020. Skyrock au 72020. Et demain matin, quelle est ta radio préférée? On appelle chez vous entre 6h et 9h pour répondre Skyrock. Ce sera un beau chèque de 1500 euros cash direct dans la poche. Monsieur PDD, I need a girl. Sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock. C'est ce qu'on écoute avant 19h. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec la fouine, tous les mêmes. Et Pididio Usher juste après, I Need a Girl dans Skyrock Classics. L'émission 100% classique chaque dimanche, entre 18h et 20h, uniquement sur Skyrock. On a la même vie mais on n'a pas les mêmes modes. On a les mêmes embrouilles, on a les mêmes armes. On n'a pas les mêmes yeux mais on verse tous les mêmes larmes. Y'en a qui vivent dans la merde, y'en a qui vivent sur les champs. On n'a pas les mêmes directions mais le même carburant. On n'a pas le même baveux mais on a la même cellule. On a la même promenade mais pas le même pécule. On a la même rage, man, on a la même cage. Man, on a le même contrôle judiciaire mais pas le même âge. On n'a pas le même texte même si on a le même stylo. On n'a pas le même flow même si on a les mêmes micros. On n'a pas le même quartier mais on a les mêmes problèmes. On a le même shit, le même keuf, la même haine. On marche tous dans la merde avec ou sans les mêmes choses. Lyrics du bâtiment F, cellule 212. On a les mêmes blèmes mais le même sourire sur nos lèvres. Car on a les mêmes rêves parce que nos vies sont les mêmes. Mêmes, parce que nos vies sont les mêmes. Mêmes, mêmes. On a les mêmes blèmes mais le même sourire sur nos lèvres. Car on a les mêmes rêves parce que nos vies sont les mêmes. Mêmes, mêmes, parce que nos vies sont les mêmes. Mêmes, mêmes. On a les mêmes cahiers, mais pas

Skyrock, la première radio urbaine mondiale, premier sur le rap, premier sur Usher et P. Diddy. On écoutait I Need a Girl à l'instant dans Skyrock Classics, l'émission premier sur les classiques avec les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock chaque dimanche entre 18h et 20h. Dans 5 secondes, il sera 19h, encore une heure de classique à écouter tous ensemble. On ouvre une nouvelle heure avec Black Eyed Peas, voici Boom Boom Po, 50 Cent juste après Window Shopper et Rof, ROH2F, ça fait bien plaisir, la grande classe qui débarque sur Sky. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock, Skyrock. Here we go again. Premier sur le rap. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Dab, dab, dab, dab. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual. I got that boom, boom, boom. How to beat bang. Boom, boom, boom. That boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that niche now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get it now. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. That supersonic boom, y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go eight. Y'all stuck on super eight. That lo-fi stupid 8-bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. Fixing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my. They know the kid ain't going for all that boat. Try and stick me, I'm a little for folk. It ain't my fault you done f***ed up your re-up. At the dice game, who told you put a G up?

composé, mais disposé à t'exploser. Son névrosé plus diffusé, v'là l'été légère au fusée, de moi s'exposer. La gloire me court après, elle veut m'épouser. C'est pas l'année des moutons, ni des mythos, mais Dieu comme Oriano. Flo, flo, flo, technicien comme Cristiano. On sent une catastrophe naturelle, j'rappe en conditionnel. La liberté, je vais le mettre jusqu'au bout du tunnel. Trop fier, trop frais, trop fier, trop frais. On n'est plus les chiens de la classe. Ni ton poule, ni ton osé. Ni ton poule, ni ton osé. Je peux atteindre la grande classe. J'suis en mode avec les refrains. Quand on arrive, on prend toute la place. La place. On soit libre pour vrai. Numéro 1, on me réveille avec la grande classe. Avec la grande classe. Trop fier, trop frais. Trop fier, trop frais. On n'est plus les chiens de la classe. Ni ton poule, ni ton osé. Ni ton poule, ni ton osé. Je peux atteindre la grande classe. J'suis en mode avec les refrains. Quand on arrive, on prend toute la place. La place. On soit libre pour vrai. Numéro 1, on me réveille avec la grande classe. Aucune de plus. Chris Brown et Lil Wayne, Gimme That à l'instant sur Skyrock. On va fêter un anniversaire tout de suite. C'est celui de Jay-Z aujourd'hui qui est né lui aussi un 4 décembre. On fête ça avec un gros son de Jay-Z, Holy Grail, avec Justin Timberlake. Bon anniversaire Jay-Z. Beyoncé va lui faire des gros bisous ce soir. Quoique, il était un peu en froid quand même. Bon, font ce qu'ils veulent au pire. Hein. Puis bon, Jay-Z, c'est pas les meufs qui manquent, hein, je pense, à mon avis. Jay-Z, Justin Timberlake, écoutez tout de suite. Holy Grail, Jackpot 2000, version exceptionnelle du 113, enregistré ici à Skyrock. Juste après, et grand master flash de Message sur Skyrock Classics, 18h-20h chaque dimanche. Les meilleurs classiques à retrouver. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. You take the clothes off my back and I let you. you'd steal the food right out my mouth, and I'd watch you eat it. I still don't know why I love it so much. Yeah. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care, you're so unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Holy grail. Blue told me remind you. What that y'all talking about? I'm the new. Caught up in all these lights and cameras. But look what that did the hammer. God damn it, I like it. Bright lights enticing. But look what it did to Tyson. All that money in one night. 30 mil for one fight. As soon as all that money blows, all opinions take flight. Up the fame, keep cheating on me. What I do, I took a back. Fool me twice, that's my bad. I can't even blame her for that. Enough to make me want to murder. Mama, please just get my bail. I know nobody to blame. Kurt Cobain did it to myself. And we all just entertainers. And we're stupid and contagious. No, we all just entertainers. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Holy now grail. I got tattoos on my body. Psycho bitches in my lobby. I got haters in the paper photo shoots with paparazzi. Can't even take my daughter for a walk. See him by the corner store. I feel like I'm calling it off. Enough is enough, I'm calling it off. Who the fuck I'm kidding though? I'm getting high, sitting low. Slide by in that big body. Curtains all in my window. This fame hurts, this chain works. I think back to that same person. If this is all you had to deal with, you deal with this. This ain't work, this light work. Camera snapping, my eyes hurt. Dying back where I was birthed. Up your iris and the IRS. Get the hell up off your high horse. You got this shit to die for. Try yours. Why you mad? Take the kid with the bad or throw the baby out with that bad for it. You still alive. Still that nigga. You survive. Still getting bigger. You're living a lot. Vanilla wafers in the villa. Illest looking alive. Michael Jackson's Thriller. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. Rock classique, classique, 18h-20h. Ouais mon gros, version live sur Skyrock, sur Skyrock. Jackpot 2000, Jackpot 2000. KP mon Kobe gros. Jimmy, on est là, on est là. Ouais mon gros. Ok. Je me fais tout petit pour pas que les videurs me tricardent. À l'entrée ça refoule, on n'accepte pas les fêtards. Accompagné, faut l'être si tu veux rentrer. Le physio qui est à la porte ne parle pas un mot français. 2m10, un clan d'eau, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux. Dans mes poches, plein de vifetons, de quoi m'amuser. Prendre la bouteille, étaler sur le canapé. Reste enroulé autour du bras, tout le monde est sur la piste. Petit pas synchronisé qu'on a répété à 10. Moi et mes complices, sur la même longueur d'onde. J'ai déjà choisi ma goal pour mon pote, j'ai repéré une blonde. Y'a du monde dans la salle, le 113 sur Skyrock. Le DJ a ses platines, Mixette et son vieux poste. Tu sais, nos bons délires, on les a pas oubliés. Des bonnes radios, y'en a pas des milliers. Le jackpot, comme ça, à l'ancienne. On emboîte ceux qui traînent avec une version spam sans prestige, ici sans cause. Mon jackpot, je fais mon jackpot. Je moule un mois, je prends une chemise même par temps.

sort plus avec Janet. Dédicace à vous tous qui avez regardé les feux de l'amour avec votre grand-mère un de ces jours, il n'y a pas longtemps sur Skyrock, surtout que c'est dimanche, en plus c'est le jour des grand-mères. Souvent on va voir sa grand-mère le dimanche, donc franchement dédicace à toutes les grand-mères et à tous ceux qui écoutent Skyrock Classics 18h-20h. C'était Mary J. Blige, No More Drama, à l'instant un remix, comme vous l'avez pu l'entendre, des feux de l'amour. À l'instant sur Skyrock, petite musique de Noël pour vous rappeler qu'il y a des chèques de 1 500 € à choper tous les matins entre 6h et 9h. Avec D-Fool et toute l'équipe, le rendez-vous c'est demain et toute la semaine entre 6 et 9 dans le morning de D-Fool. L'émission qui déchire tout tous les matins avec les meilleurs sons de Skyrock, les meilleurs jeux, les meilleurs cadeaux et les meilleurs chèques de 1 500 €. Si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone, les coups de fil c'est toutes les 30 minutes et pour augmenter vos chances de gagner, il faut envoyer un petit SMS maintenant et vous serez tiré au sort demain matin peut-être. Attention, les inscriptions que vous faites maintenant sont valables pour demain matin. C'est Skyrock que vous envoyez au 72020 en toutes lettres. Skyrock au 72020. Bonne chance, faut répondre Skyrock dès qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. Ça rapporte 1 500 € cash grâce à Skyrock. Soyez là demain, 6h-9h. Touchez pas à la radio, Skyrock Classics avec Econ et Styles P. Locked Up sur Skyrock. On est premier sur le rap et premier sur les classiques. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Soprano, Blacko des Snipers. En version Skyrock en plus, imagine-toi. Et Econ Locked Up juste après. Imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont un treillis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme Mama Galédou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Tu verras dans ta vie est belle. Ferme les yeux, imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud et lourd, cette étendue désertique, ce maigre troupeau de chèvres et ce bâton. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes 8 ans et tes pieds sans chaussures. Imagine tes mains dans les détritus, pour un bout de pain, mec, tu t'y habitues. Imagine Paris et son périphérique, quelque part sous un pont, pas loin du trafic. Imagine-toi sous un duvet sale, luttant contre le froid, luttant contre la dalle. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaît. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Toi sans sniper, moi sans psychiatre, c'est pour moments que d'autres ne connaissent pas. Imagine un peu nos vies sans tout ça, c'est pour ça. Remercions Dieu pour tout ça. Pardon pour les jours où je me plains, les jours où je ne vois que moi, mon nez pas plus loin. Pardon pour toutes ces fois où j'ai grossi mes problèmes, pour toutes ces fois où j'ai fait tourner le monde sur moi-même. Ferme tes yeux juste une seconde, vois la misère du monde et ta place dans tout ça. Prenons conscience de la chance qu'on a et tu verras peut-être que la vie est belle. N'était que sur Skyrock. Que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Locked up, they won't let me out.